Restez calme. Tout va très bien se passer. Au fin fond de l'univers, propulsé dans une quête frappadingue, une cellule d'investigation gouvernementale met tout en œuvre pour percer les tréfonds de l'inconscient et les profondeurs de l'âme de celles et ceux qui ont fait notre monde. Son nom ? Le ministère psychique. Bienvenue à toi dans ce laboratoire expérimental du Mangin Palace. C'est la panique, et c'est absurde, but what's new, pussycat ? La folie, au fond, n'existe jamais à l'état de nature, elle n'existe jamais seule. Il n'y a de folie que parce qu'il y a une non-folie. C'est votre dernier mot. Bonjour, professeur Mauduit. Bonjour, professeur Colin. Alors, vous avez la banane ce matin ? Wesh, gros, je velvète bien. Et pourtant, j'ai compromis ma nuit et j'ai vaincu mes peurs, car j'ai menacé de quitter le sommeil en claquant la porte. Mais bon, je me suis senti ridicule, alors je me suis couché. Enfin bref, dites-nous plutôt, professeur Mauduit, qui est notre patient aujourd'hui ? Eh bien, ce matin, professeur Colin, le dossier Epsilon numéro 31 s'annonce underground. Underground ? Foutre Dieu, mais qui donc est-ce ? Va falloir creuser. Eh bien, écoutez, prenez la pioche, moi je pose la première brique. C'est parti ! Pop ! Pop ? Popcorn ? Cornelius Castoriadis ? Socialisme ou barbarie ? C'est génial ! Attendez, en ce moment, l'idéologie dominante, c'est plutôt barbarie ou barbarie. Allez, concentrez-vous, voici la deuxième brique. Art. Art ? Artichaut ? Notre patient s'effeuille, s'effeuillère, c'était Edwige Feuillère. Et non, notre patient n'est pas une dame de la côte, mais un dandy de la côte Est. Allez, justement, faites gaffe, dernière brique, factory. Ah ! Ok, doc. Le prince du pop art dans sa factory, nous accueillons bien sûr ce matin le délirant Andy Warhol. Formidable dossier, professeur Mauduit. Alors allons-y, étudions le cas de cet excentrique New-Yorkais. Maniez-vous le train, les sérigraphes, et apportez au labo le dossier de monsieur Warhol. Allez Andy, à table. It's Warhol, actually. Hull. It's hull. As in hulls. What? Andy Warhol. Andy Warhol. Andrew Varola, fieffé bidouilleur au service de l'avant-garde. Certes, Andy, le Grand Palais de Paris ce printemps vous acclame. Mais ce matin, Coco, le ministère psychique te rétame. Alors, sans plus attendre, débutons notre séance par la première intervention clinique du professeur Mauduit, qui va nous exposer immédiatement ce qui nous intrigue précisément au cœur de la structure mentale de notre patient. Eh bien, voyez-vous, professeur Colin, ce qui masticote dans notre dossier ce matin, c'est la tartufferie crasse d'Andy Warhol. Je m'explique. Assurément, notre patient fut une pop star mondiale, mais curieusement, la réalité de ce personnage demeure assez méconnue du grand public, sans doute la marque de fabrique d'une âme discrète. Et pourtant, quelle hypocrisie, car dans son intimité, Andy Warhol a développé de sérieux troubles exhibitionnistes qu'il va falloir sans doute ici rappeler à sa mémoire. Je vais te dire pourquoi tu es là. Tu es là parce que tu as un savoir que tu ne t'expliques pas, mais qui t'habite. En effet, il est raconté que Andy Warhol gardait toujours sous son slip une photo de Marlon Brando qu'il avait pris dans le Harper's Bazaar. Il disait à tout le monde « Would you like to see it ?» et les gens répondaient naturellement « Sure, Andy, yeah !» et il s'exécutait. Eh ben, il a bon dos, Marlon Brando. Mais voilà surtout une anecdote croustillante, monsieur Warhol, qui nous en dit long sur la fantaisie de votre psychisme. Drôle d'oiseau, n'est-ce pas ? Ainsi, nous avons maintenant 53 minutes pour essayer d'établir ensemble un authentique diagnostic afin de savoir si oui ou non les méandres névrotiques de notre avant-gardiste emblématique recèlent encore de véritables dangers pour notre société. Le tout certifié par le ministère psychique. Mais pour te préparer au mieux à notre petit exercice, eh bien monte sévèrement le son, puisque c'est la panique au ministère psychique. Alors amorçons ensemble l'étude de notre passion à rebours par l'univers mélodique du sublime velours. $6 in my hand, up to Lexington, 125, feel sick and dirty, more dead than alive, I'm waiting for my man, hey white boy, what you doing? It's furthest from my mind. I'm just looking forward to a dear friend of mine. I'm waiting for my man. He comes, he's all dressed in black. He wore shoes and a big straw hat. C'est le Velvet Underground qui cherchait son homme et qui a trouvé Andy Warhol. Là, on arrive à Andy Warhol. Il n'avait pas craint d'exposer des photos d'accidents de voiture et des images plusieurs fois répétées de la chaise électrique. C'est sans doute lui qui a introduit ce concept de répétition multiple. Une autre représentation de la réalité. Avant tout, le ministère psychique remercie chaleureusement le professeur Agnès Varda, une autre réalité à elle toute seule, et qui nous offre ce matin une introduction warholienne à notre passion du jour, le peroxydé et perruqué Andy Warhol. Le 6 août 1928, deux immigrés slovaques, débarqués à Pittsburgh, en Pennsylvanie, sont les heureux parents du petit Andrew Varhola, un gamin quelque peu fragile. Adolescent, Andy est fasciné par les stars de cinéma dont il découpe les photos dans les magazines. Quelques études d'art plus tard, c'est l'univers de la publicité qui le conduit à New York, en 1949, où Andy s'installe. Ce qui est quand même fondamental, c'est que c'est un type qui a commencé à dessiner des chaussures pour des magazines de mode. Il vient de là et il reste, il me semble, l'homme type de la préscience. C'est-à-dire que c'est lui qui va comprendre qu'il faut aussi faire dans la pop musique quand on est un artiste. Vous savez qu'il a enregistré un disque, Andy Warhol ? Non, alors, mais j'ai vu que vous aviez vous l'aviez. Bon, on écoute un petit morceau. Ah yes. No. Voilà l'univers étrange de ce créateur publicitaire, devenu artiste publicitaire, qui expose pour la première fois ses œuvres à la Loft Gallery en 1954. Andy Warhol devient alors le fer de lance d'un mouvement artistique né en Angleterre, mais qui explose aux States au début de ces années 60, période glorieuse de la société de consommation, le pop art. C'est pour lui la grande période des sérigraphies des boîtes de soupe Campbell's et de ses Marilyn en série. Car cette reproduction mécanique de l'œuvre d'art, c'est pour Andy un bon moyen de produire beaucoup et de fournir la demande. Et pour atteindre la célébrité et donc la reconnaissance par l'argent, Andy Warhol utilise les bonnes vieilles méthodes de la publicité. La célébrité, la publicité, photographier ou interviewer. Mais quel effet cela vous fait ? Le vert, c'est un mélange de bleu et de jaune. Ceci dit, la salade verte, ça ne peut pas être un mélange de salade bleue et de salade jaune. La salade verte, c'est le mystère. Et le vrai mystère, c'est cet énergumène au look pas possible qui devient maître des couleurs et qui sait attirer autour de lui tout ce que New York compte d'alternatif et d'underground dans sa factory, un immense hangar désaffecté transformé en atelier. Alors ma venue à la factory, ben, c'était de vouloir avoir l'air d'un petit jeune homme à la mode. Il se trouve que je connaissais des gens qui connaissaient des gens et que j'avais en somme le profil social qui permettait d'entrer à la factory. C'est-à-dire ? Un petit jeune homme du 16e, français, clean, poli, en blazer, parlant à peu près anglais, bref, le genre qu'on a immédiatement envie de mettre dans une poubelle pour le faire sodomiser par un travesti et qu'ensuite, il dise « Je suis Warholia ». Donc j'avais vraiment le profil, j'étais parfait pour le casting. Ce qui fait d'ailleurs que Warhol et toute la bande étaient très très gentils avec moi, avec ce discours warholien extrêmement soft, parce qu'ils parlaient tous comme Andy, ils trouvaient tout wonderful, merveilleux, terrifique. Il y avait tout glissé, tous les sentiments glissés totalement sur cette surface d'une parfaite affabilité. « Oh my lovely young Frenchman », disait une des stars. Hein. Comment s'appelait-elle, l'américaine, 50 ans comme ça, un peu forte. « You are my lovely young Frenchman ». C'était exquis. Une star de 50 ans un peu forte, sans doute Isabella Gianni, enfin, peu importe. Andy Warhol devient une star incontournable du monde artistique, au point qu'en 1968, il représente une cible idéale. C'est probablement le seul peintre qui ait déclenché une telle passion physique. Si on prend le titre du livre d'Antonin Artaud, Van Gogh, le suicidé de la société. Eh bien, on pourrait dire que Andy Warhol est l'assassiné de la société. Warhol aura eu cet extraordinaire sort d'être tiré comme un lapin à bout portant par une militante féministe en plein délire. J'aimerais dédier cette performance à toutes les vierges vertueuses et les femmes sacrifiées depuis l'aube de l'humanité. Non ! Oh bordel, mais qu'est-ce qu'il fout ? Qu'il est délicieux d'avoir le pouvoir. Devrais-je mettre un terme à ma vie ? Ou bien à la vôtre ? Oh, alors, qu'est-ce qu'on fait ? Elle va lui tirer dessus. Rex, tu la connais mieux que moi. Tu penses qu'elle est sérieuse ? Quelle sensation fantastique ! Ben, c'est une artiste de performance, alors il faut s'attendre à tout. Non ! Putain ! Elle va tirer. Andy Warhol est donc victime d'un attentat au revolver devant la factory le 3 juin 1968 et le bonhomme en ressort assez mal en point. Plusieurs organes ayant été abîmés, il fut même déclaré cliniquement mort. Pourtant, ces balles n'ont pas atteint le potentiel créatif et touche-à-tout d'Andy Warhol qui poursuit films, musique, peinture et photos. Andy lance même une revue, Interview, et surtout, il ne cesse de plonger dans la vie mondaine où évidemment, il ne passe pas inaperçu, comme nous l'explique Pierre Berger. C'était déjà un personnage complètement marginal, de toute manière. Et il l'était déjà physiquement, d'abord parce qu'handicapé un petit peu, puis ensuite avec cette espèce de perruque qu'il avait. Il en avait trois comme ça. Il avait une perruque cheveux courts, et pour que montrer ou faire croire que ses cheveux s'allongeaient, il avait deux autres perruques avec les cheveux un peu plus longs. Comme ça, puis repartait à la première tous les mois environ. Et il était une espèce d'albinos myope. Et comme beaucoup de myopes, il voyait admirablement. Il avait un œil superbe, aigu. Il avait un sens absolu de la création et de la créativité. Et tout l'intéressait. C'était ça qui était merveilleux chez Andy. Il n'y avait pas de cloisonnement. Pas l'art d'un côté et le noir de l'autre. Tout ça, ça le faisait plutôt rire. Il prenait la création où elle se trouvait. Il prenait la création là où elle se trouvait, comme par exemple dans la rue. C'est ainsi qu'en 1983, Andy Warhol rencontra Jean-Michel Basquiat, street artist underground, au graffiti saisissant, avec lequel il noua une amitié sincère jusqu'à cette journée du 22 février 1987. Quelle journée, hein ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai l'air si mal ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'es pas au courant ? Andy est mort. Andy Warhol est mort hier d'un arrêt cardiaque dans un hôpital de New York après une banale intervention chirurgicale. Andy Warhol avait 58 ans, il avait commencé à devenir célèbre il y a une vingtaine d'années en peignant des toiles représentant des objets très ordinaires comme par exemple des boîtes de soupe, de fil en aiguille ou plutôt de pinceau en caméra. Il était devenu le pape de ce que l'on appelle le pop art. Quand je mourrai, je ne veux pas laisser de reste. Je voudrais disparaître. Les gens ne diraient pas « il est mort aujourd'hui », ils diraient « il a disparu ». Mais l'idée des gens qui se transforment en poussière me plaît vraiment. Et ce serait somptueux de se réincarner dans une grosse bague au doigt de Liz Taylor. Une grosse bague au doigt de Liz Taylor. Ça, c'est une superbe réincarnation pour tous ceux qui ont eu une vie exemplaire. Parce que la réincarnation, pour les autres, c'est en Rolex au bras de Seguela. Andy Warhol est donc un artiste star qui rayonne encore aujourd'hui et dont les sérigraphies sont reproduites indéfiniment. Il a su faire de sa factory un éminent lieu de création, au lieu d'en faire un centre d'exploitation comme toute bonne usine. Néanmoins, comme à chaque fois, après une enquête pointue de nos services, notre laboratoire expérimental estime donc que le comportement d'Andy Warhol représente un danger pour notre société. Et pour éviter toute erreur clinique, le ministère psychique blinde ses expertises. Ainsi ai-je demandé à l'éminent professeur Mauduit d'approfondir ce dossier. Découvrons ensemble ses conclusions. Si jamais le seul critère de santé mentale était cette capacité à sembler rationnelle, on serait pour ainsi dire obligé de fermer boutique par manque de patients. Professeur Mauduit, nous vous écoutons. Professeur Colin, nous voici confrontés à la figure sérigraphiée et décuplée d'un bouillonnant personnage incontournable de l'histoire de l'art, celui que les plumitifs poncifiants surnomment immanquablement le pape du pop art ou encore le dandy Warhol. Voyez-vous, Andy Warhol a imposé son style au point qu'il est devenu, à lui tout seul, le symbole d'un mouvement artistique, le pop art. Oui, Andy a quelque peu effacé d'autres artistes tels Roy Lichtenstein, c'est assez comics, ou encore Niki de Saint-Phalle, et fallait le faire. Avec Warhol, l'art quitte l'univers confiné de l'élite culturelle, qui l'avait confisqué, pour atteindre le plus grand nombre. Son aspiration vient de la culture populaire et ses œuvres, reproduites en série, y retournent sublimées, transformées en véritables mythes. L'œuvre d'art, à l'époque de sa reproductibilité technique, comme l'analysait en 1936 Walter Benjamin, change le regard du spectateur, tout autant que la démarche de l'artiste. Car l'œuvre reproduite perd une partie de son aura. Cette unique apparition d'un lointain, aussi proche soit-il, nous disait Walter Benjamin. Mais les œuvres d'Andy Warhol, reproduites en série, conservent cette aura et c'est sans doute là où réside la magie warholienne. L'œuvre de Warhol est le pur produit des Trente Glorieuses et son art fait écho à la culture de masse qu'il utilise, qu'il détourne, qu'il sublime et qu'il critique. C'est la société de consommation qui dégouline à travers ses boîtes de soupe Campbell's et de lessive Brio ou encore à travers les icônes modernes que sont Marilyn Monroe ou Jackie Kennedy. le produit manufacturé passé à travers le filtre d'un artiste qui sait sortir Duchamp devient une œuvre d'art dans la tradition d'un Marcel Duchamp avec son urinoir. Les deux hommes se sont d'ailleurs rencontrés en 1966 à New York à la Factory. La Factory, cette usine artistique où Andy Warhol ne cachait pas son goût pour l'argent. Se faire tirer le portrait par Andy dans les années 80 coûtait 25 000 $ pour le premier tirage et 15 000 par copie. Mais cela est bien ridicule à côté des glorieux artistes du moment, ceux de la grande entreprise, nos chers patrons, qui ont bien compris que l'œuvre d'art reproductible était leur gros bonus, protégée par des rangées de CRS sérigraphiées comme des boîtes de soupe Campbell's. Mais hélas, pour leur petit système, les travailleurs développent aujourd'hui de superbes happenings, ces performances sociales dans un bel élan d'art pop populaire. Excellent, professeur Mauduit. Je pense qu'après cette analyse comportementale globale, nous en savons un peu plus sur la dangerosité de notre patient. Un publicitaire, il n'y a rien de pire. Mais le ministère psychique traque la vérité, la sienne. L'étape suivante, après une courte pause de musicothérapie, consistera à trifouiller les déviances comportementales de notre patient qui n'était vraiment pas un grand bavard. Si je les livre à fermer, c'est que mon cœur est ailleurs. Ailleurs. Non, je ne veux pas m'exprimer, tous mes sujets sont ailleurs. Ailleurs. Regarde-moi dans les yeux, tu verras le reflet de l'or. Que je ne suis pas. L'homme que je ne suis pas. C'est le tirage en négatif de Samy de Coster, une photo totalement idoine, au psychisme farfelu d'Andy Warhol. Trifouiller la face cachée du patient, telle est la mission du ministère psychique. Après avoir revisité sa construction mentale, l'équipe du professeur Collin poursuit son analyse et tente maintenant d'explorer les aspérités refoulées chez le patient. Alors maintenant, après avoir découvert les grandes étapes existentielles qui ont façonné l'étrange structure mentale de notre patient, il est temps, me semble-t-il, de nous intéresser à la fantasmagorie de la Factory, ce haut lieu de l'alternatif new-yorkais, créé par Andy Warhol en 1963 et dans lequel nous pouvons aisément décrypter les aspérités refoulées du psychisme warholien. Avant tout, il faut bien avoir à l'esprit que la Factory fut à la fois un fantastique atelier de création, ou plus exactement, une usine vouée à produire du mythe, mais elle fut aussi un véritable lieu de socialisation où festoyaient ensemble, dans une décadence joyeuse, les paumés et les aristocrates, les toxicos et la jet set, les hurluberlus et les intellos, bref, on y croisait tout le monde sans aucune distinction de classe. Un univers cocasse dont se souvient le merveilleux écrivain Jean-Jacques Schoul. Toutes sortes de gens défilaient, de Nureyev, tous les acteurs, les Zaminelli, tout ce qu'on veut, et aussi des gens totalement inconnus, ça se brassait, se mélangeait, les gens rentraient, passaient, il y avait un ascenseur qui montait jusqu'à la Factory, rentrait à peu près qui voulait. Il y avait Warhol, une sorte de gourou, il y avait Paul Morisset qui était là comme assistant, metteur en scène avant de faire lui-même des films, il y avait des assistants qui préparaient les toiles, sur lesquelles ensuite Warhol faisait ses multiples, il y avait des gens qui lui ont donné des idées. Super, Franck, tu peux, je sais pas, pisser un peu plus par là. Encore de ce côté. Oh, du peace painting. C'est pas du peace painting, c'est de l'art oxydation. Oui, je déteste nettoyer les pinceaux, moi aussi. Faut absolument que j'en fasse d'autres. Franck a bu une bière mexicaine épatante. C'est elle qui produit ce verre sublime. Pourquoi tu pisses pas, toi? Je déteste la bière. C'est pas quelqu'un qui tenait absolument à l'originalité. Il y avait quelque chose, donc, de collectif, mais sans le côté souvent un peu communal, patronage, bébête attaché à ça, comme ça peut être aujourd'hui. Oui, la Factory warholienne était éminemment collectiviste, à tel point que certains y ont même vu l'incarnation d'un microcosme communiste au cœur de Manhattan dans les années 60. Mais c'est là tout le paradoxe d'Andy Warhol, car sa communauté fonctionnait avant tout sur le charisme des individualités, mais auxquelles les résidents devaient au final renoncer pour se mettre au service d'un véritable culte de la personnalité. Ainsi, lorsque tu entrais à la factory, selon le paradigme warholien, tu devenais une superstar. Mais en échange, tu devais abandonner ta propre identité. Du coup, avant de franchir le seuil de l'enivrante factory, sans doute fallait-il bien réfléchir. T'es content maintenant, j'espère. Toute la ville de New York arrête pas de rire de moi. Je peux pas trouver de travail, je peux même pas quitter mon appartement. Tout le monde se moque de moi à cause de tes films. Oh non, ils ont fait de toi une femme célèbre, c'est ce que tu voulais. Andy, il me reste plus rien. Tu me dois beaucoup d'argent, je veux que tu me donnes mon argent. Mais je t'ai donné 50 dollars, t'as quand même pas déjà dépensé tout cet argent. 50 minables dollars. Andy, écoute, je suis sûr que si t'attendais un an ou deux, quelqu'un à Hollywood te ferait tourner dans un film avec Tony Perkins, tu pourrais gagner autant d'argent que tu veux et le dépenser aussitôt. Tu crois que je peux pas fonctionner sans toi? Je peux très bien me passer de toi. T'es qu'une espèce de pourri. Pourri, t'es dégueulasse. T'as gâché ma vie. Ça suffit. Avec ta factory. Oui, nombreuses sont les muses de Warhol qui ont pété les plombs, comme l'actrice Valérie Solanas que nous évoquions tout à l'heure et qui lui tira dessus à plusieurs reprises le 3 juin 1968. Dans la foulée, elle se justifia ainsi aux forces de police: Warhol avait trop de contrôle sur ma vie. De la même manière, la démarche artistique entreprise par Andy Warhol au cœur de sa factory peut se comparer à celle d'un prédateur. Tiens, prenons l'exemple de la sérigraphie consacrée à l'actrice hollywoodienne Liz Taylor et découvre ici le procédé warholien de fabrication mis en évidence ce matin par les services du ministère psychique. Le tableau intitulé Ted Lizes, dit Liz, mesure 5,65 m de long sur 2,01 m de hauteur. Pour faire le portrait d'un oiseau, peindre d'abord une cage avec une porte ouverte. Peint en 1963 à New York par Andy Warhol, Elizabeth Taylor. Placer ensuite la toile contre un arbre, dans un jardin, dans un bois ou dans une forêt. Pour Ten Lizes, Warhol a fait fabriquer un écran carré d'environ 1,06 m de côté. Comme support, il a choisi une grande toile de 5,65 m de long, un tissage de coton et de lin déjà enduit. Puis il a appliqué 10 fois son cadre de sérigraphie sur cette surface. Se cacher derrière l'arbre, sans rien dire, sans bouger. Elizabeth Taylor, j'ai commencé il y a bien longtemps, quand elle était tellement malade que tout le monde disait qu'elle allait mourir. Maintenant, je retravaille dessus. Je mets des couleurs brillantes sur les lèvres et sur les yeux. Quand l'oiseau arrive, s'il arrive, observez le plus profond silence. Attendre que l'oiseau entre dans la cage. Et c'est peut-être là, en effet, une des façons de lire le portrait de Liz. Et quand il est entré, fermez doucement la porte avec le pinceau. Malgré les métamorphoses que Warhol lui a fait subir, le visage conserve son entière identité. Bouche, cheveux, sourcils noirs, regard. Non seulement ce visage est Liz Taylor, mais c'est aussi Andy Warhol. Ou plutôt un Andy Warhol. Mais s'il chante, c'est bon signe. Signe que vous pouvez signer. Alors vous arrachez tout doucement une des plumes de l'oiseau et vous écrivez votre nom dans un coin du tableau. Paradoxe, la dégradation volontaire de l'icône lui restitue son caractère sacré et une sorte d'immortalité. Incontestablement, voilà un autre paradoxe warholien. La dégradation volontaire de l'icône lui offre au final une sorte d'immortalité. Ainsi, devenir un pur produit de la factory faisait aussitôt de toi une véritable star, quand bien même, à la différence d'Elizabeth Taylor, tu n'étais rien au départ. Prenons le cas de Joe D'Alessandro, découvert à l'âge de 18 piges par Andy Warhol, qui, fasciné par son corps d'éphèbe, le filma nu à plusieurs reprises pour en faire au final un sexe symbole du cinéma underground. La préoccupation warholienne consistait à propulser dans la célébrité quiconque prendrait l'ascenseur de la factory. Le pop art se voulait simple et accessible, mais il fallait impérativement que l'usine produise ou récupère les mythes populaires avec à la clé un succès planétaire. Car franchement, qui n'a jamais vu la sérigraphie polychrome de Marilyn Monroe, dont le ministère psychique t'offre ici ce matin une version radiophonique? Votre expérience vécue par rapport à Marilyn Monroe, pouvez-vous m'expliquer cela? Oui, alors ça remonte à l'année 70, fin de l'année 70, disons qu'à la suite d'une expérience à la drogue, j'ai eu l'occasion donc, d'entendre la voix de Marilyn et de la voir apparaître sous diverses formes, des formes hallucinatoires, disons. Marilyn et sa robe sur une bouche de métro, voici une modeste tentative pop art de notre collectif ministériel. Mais tout comme sur les sérigraphies de Warhol, au final, notre Marilyn n'a plus grand-chose de Monroe. Car figure-toi que derrière la multiplication à l'infini de ses œuvres se cachait le réel désir de notre patient de faire disparaître son patronyme au profit de l'esprit de la factory. Seulement voilà, jamais Andy Warhol n'a pu se déshumaniser totalement et malgré lui, Andy Warhol est devenu une marque de fabrique tel un logo. Alors justement, par le truchement d'une fantaisiste divagation pop art produite par l'interne psychédélique du ministère psychique, Mademoiselle Claire-Sophie Collet, nous allons t'offrir dès à présent l'onirisme du fantasme warholien, à savoir une totale déshumanisation de notre patient. Alors, cher professeur Mauduit, veuillez appeler l'interne et découvrons ensemble cette petite performance d'inspiration factorienne. Viens, poupoule, viens, poupoule, allez, hop, démonstration. That's the radio. Now, wait a minute. Do you realize what you're saying? Salutations, mes frères. Professeur, pardon. Le zinzin du jour serait donc Andy Warhol. Eh bien, sachez que pour ce patient, pour le moins bizarroïde, il a fallu effectuer un bref retour vers le futur pour déceler sa véritable identité. You said, all people are the same. Vous avez dit, les gens sont tous pareils. And you want to be a machine. Is that true? Je veux être une machine, c'est vrai, Andy Warhol? Is it true, Bridget? C'est vrai, Bridget? Vous voulez juste que ce soit plus facile? En y repensant, c'est vrai que ça paraît logique. Tous ces tableaux à répétition, ces sérigraphies, réalisés dans ce qui s'appelait la factory, l'usine, Andy était donc bien une machine, un robot. Et une machine, ce n'est jamais vraiment mort, juste en stand-by. Ah, ça c'est la meilleure de l'année! Mon docteur m'a dit que je serais sur pied dans 5 jours. Et vous voulez me faire croire qu'il s'est trompé de 199 ans? Évidemment, c'est dur à admettre, mais vous devez considérer cette expérience comme un miracle de la science. Là oui, parlons de miracle, ouais. Quand je pense que je vais un jour à l'hôpital pour un petit ulcère ridicule et qu'on me flanque dans une boîte où je roupille pendant 2 siècles, votre truc, c'est un enculage cosmique, un point c'est tout. C'est sûr, un réveil aussi brutal, ça demande quelques adaptations. Surtout qu'avec le temps, Andy s'est un peu dégradé. Alors il a fallu faire des petites réparations. Par-ci, par-là. Il a perdu un bras, les 2 jambes et 1 œil, mais il vit. À quoi lui servira de vivre s'il n'est plus l'homme qu'il a été? Il sera peut-être plus encore que l'homme qu'il a été. Notre technologie est suffisante pour le reconstruire, quel qu'en soit le prix. Et oui, un Warhol, surtout après quelques décennies, ça vaut bien 3 milliards. Facile. Bref, pour cet androïde Warhol, l'adaptation future se fit plutôt bien. Maintenant, retournons au vaisseau. Mais pourquoi ? Et on vient de sauver. Mais je ne veux pas être sauvé. Qu'est-ce que tu dis? J'ai la richesse, la célébrité, ce qui m'ouvre les portes de tout un monde de débauche. Oh oui, c'est de la bonne. Bon, c'est vrai, question train de vie, Andy a retrouvé ses bonnes vieilles habitudes. Et à force de se mettre des grosses charges, Android Warhol risque sérieusement de péter un câble. Mais heureusement, Andy finit par entendre la voix du seigneur des robots, RoboGod. Je vois ici ce soir beaucoup de robots sophistiqués, très élégants et bien lustrés. Mais ça n'impressionnera pas le diable robot, non ! Non, non, non, non ! Car si vous avez péché, rien ne l'empêchera de brancher son modem infernal. Alors je vous le demande, qui se lèvera ce soir pour être sauvé ? Qui ? Qui ? Andy devient alors un fidèle de la robotologie, prêt à combattre le mal pour faire le bien. Mais dans un esprit très proche de ce qu'il a été. Très pop et haut en couleur. Qui êtes-vous ? Et voici Force Roux ! Force Bête ! Force Bleu ! Force Jaune ! Force Rouge ! Bioman ! La rencontre avec le géant Bioman changea la destinée de ces jeunes gens. Il existait maintenant un lien mystérieux entre ces humains et cette machine extraordinaire. Ah, on voulait te montrer qu'on avait un immense respect pour la culture robotique. Merci. Thank you, Mr. Taylor. Bien, le professeur Mauduit et moi-même remercions l'interne joyeusement déjanté du ministère psychique pour cette divagation pop art qui concrétise ce matin le fantasme warholien de devenir une machine. Et enfin, pour conclure ce chapitre, consacré aux aspérités refoulées d'Andy Warhol, n'oublie jamais que l'esprit du pop art, au-delà de la réjouissance de la contemplation de ses œuvres, t'a également offert quelques précieuses parades pour te sortir de certaines situations embarrassantes. Merci Andy. Vous êtes invité au vernissage de Clara Lichtenberg. Femme d'une laideur peu commune, elle n'en demeure pas moins une artiste très cotée et un mentor redoutable. Et alors que vous vous teniez à distance, votre excellent cigare cubain enflamme le dernier module de l'artiste. Une sorte de sculpture en crin de poney afghan. Voilà qui est fort embarrassant, hein, inutile de tourner autour du pot. Alors que faire, hein? Il ne faut jamais, au grand jamais, chercher à éteindre la chose. Hein? Vous passeriez pour un épouvantable maladroit et seriez contraint d'acquérir l'exécrable objet. Il faut, avec l'audace de l'artiste en pleine création, vous écrier en dansant autour des flammes. L'art est inutile, l'art est mort, yippie, vive l'art! Et s'il le faut, n'hésitez pas à attiser le brasier en y jetant le fond de votre cognac. En vous saluant, bonsoir. Bien. Alors, après avoir pris connaissance à l'instant de cette malicieuse astuce d'inspiration warholienne pour devenir une égérie de l'art contemporain lors d'un vernissage, il est temps désormais d'entamer l'ultime partie de notre analyse qui consiste bien entendu à repérer les influences d'Andy Warhol et du pop art dans notre société post-moderne. Et avant tout, amorçons une nouvelle fois notre étude pseudo-psychanalytique par une efficiente approche jungienne. Ainsi, le spécialiste jungien du ministère psychique, autrement dit un technicien de l'inconscient collectif, le frappadingue Dr Yvan Beaujolais, a tenté ces derniers jours d'expertiser les échos de notre gourou new-yorkais au cœur de notre histoire récente. Alors très cher professeur Mauduit, faites appel à notre expert jungien et découvrons attentivement cette fable étrange que nous avons intitulée « Le Blue Velvet Underground Présidentiel » où nous croiserons les destins éphémères de quelques anonymes qui, comme le leur avait promis Andy Warhol, ont eu le droit eux aussi à leur quart d'heure de gloire. L'expert jungien, pointez-vous dans notre factory ! Analyse ! D'une certaine manière, d'ailleurs, c'est la fameuse loi de Haeckel, l'ontogénèse récapitule la phylogénèse, etc. On sait qu'on ne peut plus tenir cette position. L'enjeu de notre évolution cérébrale va se dérouler dans l'arène de la vidéo. L'écran de télévision est la rétine de l'œil de l'esprit. Andy Warhol a inventé le quart d'heure de célébrité pour tous. En fait, il incarne ce moment où les gens ne sont plus célèbres en fonction de leur talent ou de leur mérite, mais en fonction simplement du fait que leur surface médiatique fait qu'ils sont célèbres pour rien. Huguette Bouchardeau, bonjour. La campagne maintenant officielle est bien engagée. Je pense à la génération de nos enfants dans 10 ans, dans 20 ans, quand ils regarderont avec un peu de recul une campagne électorale comme celle de 1981. Mais d'une certaine façon, Warhol avait prévu avec 30 ans d'avance ce qui se passe, qu'on allait vivre sous le règne des écrans, les écrans ne se réduisant pas aux écrans d'ordinateur, mais c'était les écrans de télévision et les écrans des magazines. C'est pourquoi l'écran de télévision fait partie de la structure physique du cerveau. Alors après la campagne du Huguette Bouchardeau, intéressons-nous à celle de Marie-France Garraud. Avec Marie-France Garraud en campagne, pas d'avion, pas de meeting en province, mais une campagne épuisante à Paris, axée sur les médias. Warhol est considéré comme le grand maître de l'imagerie et de tous les succès d'années d'image, on est dans la pulsion scopique. C'est dès novembre 1987 que le mouvement pour un parti des travailleurs a décidé de présenter Pierre Boussel comme candidat à l'élection présidentielle. Il y a eu rupture des engagements pris en 1981. Il faut une autre politique. Sur le mensonge, rien de valable ne peut s'édifier. Et c'est pourquoi tout ce qui apparaît sur l'écran de télévision est vécu par le spectateur comme une expérience primaire. Notre invité ce soir, M. Jacques Cheminade, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été présenté comme le candidat de la dernière heure. Ce candidat atypique a déboulé dans cette présidentielle en préparant son entrée dès septembre 1994. Moi, je suis satisfait de ma présence et je pense que je suis là pour longtemps. C'est pas qu'il avait une intelligence spéculative extrêmement profonde, mais s'il avait un talent, c'est en tout cas d'être cette espèce de capteur et d'être comme ventriloqué, si vous voulez, par l'air du temps. Gérard Chivardi, candidat du Parti des Travailleurs, vous étiez le... Ah, alors, vous êtes quoi? J'allais dire trotskiste, Gérard Chivardi. Oh non, je suis socialiste. Tous les Français savent très bien que je suis un vrai socialiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'autres ne sont pas. Pour moi, un socialiste, le vrai socialiste, c'est celui qui s'occupe du peuple. Votre réalité est déjà une demi-hallucination de vidéo. Si vous n'êtes pas sur vos gardes, cette hallucination deviendra totale. Vous allez devoir apprendre à vivre dans un nouveau monde étrange. Si vous n'êtes pas sur vos gardes, cette hallucination deviendra totale. Et vous allez devoir apprendre à vivre dans un nouveau monde étrange. Voici peut-être l'inquiétant testament warholien. C'est-à-dire, eh bien, primo, quelle définition peut-on donner du pop art? Il s'agit de présenter l'art comme un simple produit à consommer, éphémère, jetable et bon marché. Pour ce faire, Andy Warhol détournait les symboles populaires qui imprégnaient l'inconscient dès l'enfance, tels Mickey ou la langue des Rolling Stones. Son désir était d'en faire des œuvres d'art désacralisées. L'intention est authentiquement louable. En gros, il était question de réquisitionner de façon plus agressive la consommation de masse afin d'en faire une création artistique. Seulement voilà, il semblerait qu'aujourd'hui, la reproductivité sérigraphique au profit des masses ait été sacrément dépouillée. Oh, c'est marrant ce mur. C'est qui tous ces gens? C'est des amis à vous? Pas du tout. Lui, c'est un Arménien qui a une boutique de numismate passage Jouffroy. Là, ce sont des Chinois du boulevard Arago. Je savais pas que vous intéressiez à la photo. J'en ai rien à secouer de la photo. Si je les ai mises là, c'est pour que je n'oublie jamais à qui je m'adresse. Là, c'est mon cœur de cible. Ah, vous les trouvez représentatifs? Personne n'est représentatif de quoi que ce soit. Vous êtes représentatif de quoi, vous? D'ailleurs, séparément, ces gens-là n'ont aucun intérêt. Moi, je dois prendre en considération les masses. Les masses expriment des désirs, et moi, je dois faire des émissions qui correspondent à leurs désirs. Vous comprenez ce que je vous dis ou vous faites semblant? Non, non, bien sûr, c'est très clair, je comprends. C'est la masse qui parle. Et une personne en particulier, on s'en fout. La vieille, là, on s'en fout. Non, elle, on s'en fout pas, c'est ma mère. Elle s'est suicidée l'année dernière dans des circonstances atroces. Je crois que, bien plus que Morisset, c'est Warhol qui est proche de la télé-réalité. Ça vient de la notion de caméra de surveillance. Hein, on poste les caméras. De toute façon, Warhol avait déjà un projet télé-réalité dès les années 60. Warhol avait un projet d'émission dans lequel on filmerait des gens pendant plusieurs heures. Eh ben, merci, Andy. Car quoi qu'en ait dit certains spécialistes, faut arrêter maintenant. Ce loft tout pourri, là, avec Loana à poil dans la piscine. Franchement, nous sommes bien loin de l'esprit originel de la Factory. Imagine un peu la tronche du pop art New Age. Il était question d'un monde alternatif où il s'agissait de détourner la société de consommation et au final, nous voilà désormais dans le business normatif le plus dur et le plus cruel. Assurément, le Léviathan capitaliste, a triomphé de l'esprit du pop art. D'autant plus qu'avec sa volonté première de rendre la création artistique accessible au plus grand nombre, Andy Warhol a également fait naître l'idée, chez certains gugus, qu'il pouvait prolonger le processus et qu'ainsi, ils pouvaient eux aussi devenir artistes. Ouais, ce qui n'a franchement pas crédibilisé par la suite l'essence de ce formidable mouvement artistique. Jusqu'au 23 juin, la galerie Abstraction Jubilatoire vous propose les dernières œuvres de Chocalesco, telles que Breakfast sur l'herbe, Marseille-Monaco 1-0, Baigneuse noyée, Plénitude amnésique, Toile pour pigeon. Ici, vous rencontrerez une équipe sympathique qui vous proposera une solution complète pour votre communication. Création de logos par notre studio intégré, réalisation d'adhésifs, panneaux, enseignes. Nos techniques combinées permettent l'impression sur tout support. Sérigraphie, offset, sans oublier la plastification ou l'application de vernis. Particulier, industriel, acteur de la communication, n'hésitez pas à contacter notre service commercial, toujours à votre écoute. Malheureusement, bien entendu, il n'est pas offert à tout le monde de maîtriser l'art warholien, de détourner brillamment les symboles de l'inconscient collectif. Enfin bref, pour en finir maintenant avec les résurgences contemporaines de notre patient excentrique, revenons immédiatement au sein du ministère où l'un de nos pensionnaires à vie, toujours le même et trépané deux fois, que nous appelons ici l'oncor chétif, t'offre à son tour ce matin ses divagations schizophréniques warholiennes. Alors, comme d'habitude, c'est complètement absurde et sans doute un brin pop art, mais bon, c'est la tradition. Les malades ont la parole. Ouais, je t'aime bien Andy Warhol. Andy, le dandy qui se trémousse au son du velvet. Mais non, j'ai pas dit Yvette, Horner. Je sais, t'aimes pas l'accordéon, tu préfères les décors au néon. Assieds-toi, Andy, sur mon lit. Eh oh, pourquoi tu renifles ma table de nuit? Mais non, c'est pas un champignon hallucinogène, c'est ma lampe de chevet. Dégage de là, tu vas la péter. Warhol, le pape du pop art. Moi aussi, je fais des retouches de photos. J'ai pris Paris Hilton. Je lui ai fait une moustache, une balafre et trois dents noires. Et maintenant, elle peut jouer dans Pirates des Caraïbes. Allez, installe-toi, Andy. Fais comme chez toi, comme à la factory. Invite tes amis dans ton décor de papier alu. Et si t'en restes, fais-nous du saumon en papillote. Et au dessert, une banane. Allez, sacré Andy, The Star Shooter. Pour toi, dans les années 70 à New York, t'étais jeune, c'était la factory. Et maintenant, regarde chez nous, avec les étudiants, ça chauffe, hein. C'est la factory. C'est trop con.